Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. La fin du calendrier, Roman, la toute fin, comment on arrive, ça va? On arrive. Ça va bien. Alors, le film du jour qui est donc 3615 Code Père Noël de René Manzor, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas de notes sous les yeux, j'en suis extrêmement fier. Alors, tu dis une bêtise. Enfin, yes. Oui et non. René Manzor est un pseudonyme. Tu nous en diras plus tard. Oui. Alors, c'est le troisième film français, enfin, réalisé par quelqu'un de francophone, dont on traite ici. On avait déjà eu Dead End, qu'on avait tous les deux cordialement détesté. On avait eu Le Calendrier, qu'on avait tous les deux cordialement haï. Et donc, est-ce que celui-ci va peut-être enfin relever le niveau? Toi, je sais que c'est un film que t'aimes plus que moi, a priori. C'est un film que j'aime vraiment plutôt bien. Je me le remate à peu près tous les ans, à chaque période de Noël. Et alors, j'en avais entendu parler, ça devait être en 2017, à peu près, au moment où le Chat qui fume, on avait fait une restauration. Mm-hmm. Et je découvre l'existence de ce film. Avec une bande-annonce au PIF. J'en avais appris l'existence à la même époque, alors je l'ai pas vu tout de suite, je l'avais pas vu au moment de chaque film, parce que le pitch me vendait pas vraiment du rêve, et j'ai dû le voir, il doit faire partie de cette longue liste de films que j'ai rattrapé pendant le Covid, je pense, me connaissant. D'autant plus que, à l'époque, je n'allais pas du tout en festival de cinéma, parce que c'est le moment où j'étais en Allemagne. Ouais. Quoique, 2017 tu dis? Ouais. Ok, donc c'était juste avant que je parte en Allemagne, mais j'y allais pas quand même à ce moment-là. Mais donc voilà, c'est un film que j'ai découvert globalement sur le tard, d'autant que c'est un film qui est sorti en 89, un an avant Maman, j'ai raté l'avion, et ce détail a son importance. Pourquoi, Roman, dès ce moment où tu nous fais le pitch? Pourquoi? Parce que le film nous parle de Thomas. Thomas, c'est un jeune garçon... Ingénu. Ingénu, avec une daronne bourrée de thunes. Elle est directrice du printemps, et elle a une espèce de manoir en banlieue parisienne... Thomas de Frémont, pour le nom complet. que le gamin a aménagé avec des pièges, des trappes, tout ça, et avec une pièce secrète qui a des jouets sur plusieurs générations, apparemment. Et il va communiquer par Minitel. Bonjour, je suis daté. Ouais, bah ça. Il va communiquer par Minitel avec un monsieur bizarre qui prétend être le Père Noël. Et Thomas va communiquer son... Alors, pas son adresse, mais il va communiquer le taf de sa mère à ce Père Noël. À ce bonhomme qui va se dire qu'il y a peut-être, des sous à se faire, quoi. Voilà. Et donc, il va s'infiltrer dans la maison. Et bon, pour une raison qu'on découvrira, qui est assez bizarre. Bah, dévoilons-la tout de suite. Parce que, en fait, je pense que c'est dur de parler du film si on spoile pas. D'accord. Il joue à cache-cache. Dans l'idée. Dans l'idée, il joue à cache-cache. Pour le coup, tu parles du Minitel. Effectivement, moi, c'est un film qui, je pense, vieillit à la fois très mal et en même temps de façon qui n'est pas si désagréable que ça. Très mal, c'est-à-dire que c'est un film qui est, bon, tu l'as dit, qui est marqué par l'élément du Minitel qui, pour nous, jeunes millennials détestables, est totalement inconnu et qui a une forme de modernisme de son époque qui fait qu'il est naturellement condamné à vieillir. Typiquement, on peut penser... Alors, c'est à peu près à ce moment-là, mais qu'il y a Terminator 1 qui sort, si je dis pas de bêtises. Il me semble que Terminator 1 sort en fin des années 80. Il sort en 84, Terminator 1. Pardon. Mais dans cette époque-là, donc le premier Terminator qui... est un film qui, je trouve, vieillit pas très très bien, notamment à cause de sa foutue scène de boîte de nuit. Et là, et il y a... accessoirement, enfin, boîte de nuit qui implique, du coup, la mode vestimentaire et capillaire de l'époque. C'est exactement ça, c'est que les scènes de boîte de nuit... Ça te cristallise une époque, étant donné que tu as tout ce qui est censé être cool à l'époque, et qui donc devient... Waouh, c'est typiquement, même un film que j'adore, comme Doom Generation ou Nowhere, Doom Generation qui démarre par une scène de boîte de nuit, avec, enfin bref, scène absolument exceptionnelle, qui te pose un jalon temporel à peu près instantané. Et également, je trouve que le film est marqué par cette espèce d'essor de la culture techno-française de ce moment-là, qui est moins une culture que j'aime bien, mais qui à nouveau marque son temps. Et donc voilà, alors également, autre élément que je tiens à noter, tu dis que la daronne est vraiment pétée de thunes. C'est totalement vrai, d'autant que fin des années 80, la France est encore sous Mitterrand, qui avait été élu en 81. C'est ça, c'est... Ouais, on est sur sa fin... Et donc, tu as encore cette... alors, une certaine prospérité, mais qui commence à avoir des petites inquiétudes économiques qui se confirmeront par la suite avec des époques qu'on aura plus récentes et qu'on aura connues. Et je trouve que le film arrive à illustrer avec plus ou moins de finesse, mais arrive à illustrer de façon assez maligne ce choc des cultures qui s'amorce. Mais du coup, en parlant de choc des cultures et de personnes qui refusent de vivre avec son temps, est-ce qu'on parlerait pas de la famille qui est derrière ce projet? La famille Lalanne. La famille Lalanne, parce que oui, Alors là, on va parler de personnes qui refusent de parler avec son temps. On va parler de. Il est anti-vax, si il est tu dis pas de anti-vax, bêtises. Il est complotiste à complotiste, balle, voilà, ouais. il a tout ce qu'il faut. Et il fraude le fisc. Je crois que c'est un de ceux qui fraude le fisc. Parce que oui, quand t'es pété thune, riche et débile, généralement, tu l'es pas à moitié. Mais donc, oui, parce que le film est produit par Francis Lalanne avec une musique composée, non pas par Francis, Dieu merci, je le Ouais, fort précise, heureusement. mais par Jean-Félix Lalanne. René Manzor est donc un pseudonyme pour René Lalanne. Ah ça, oh putain. Et l'acteur principal, Alain Musy, est également un pseudonyme pour Alain Lalanne, qui est donc le fils de René Manzor et le neveu de Francis. Putain, même moi qui mate du film, qui mate énormément de cinéma indien, j'ai honte. Mais alors surtout, il faut savoir que Alain Musy, donc Alain Lalanne, est devenu après ça artiste VFX. Et un bon ou un mauvais? Genre il a fait du Snyder ou il a fait Il a du. bossé sur Avatar, Edge of Tomorrow, The Dark Knight, Ah Gravity, ouais! Splice, The Batman, Independence et Résurgence, Suicide Squad. De James Gunn. Ah oui, donc des trucs ultra solides quand Oui, même. mais aussi Aquaman 2, En eau très trouble, Slenderman, Black Widow, les deux Rebel Moon, et Astérix aux Jeux Olympiques, où joue justement Francis Lalanne, qui s'appelle dans le film, attention, Francis Lalannix. Parce que ouais, quand tu l'es drôle, tu l'es. Ouais, non, il l'est pas. Mais Rebel Moon, je les ai vus depuis. Bah, je les ai vus depuis. Je sais plus, on en avait parlé un épisode, il me semble. J'en suis à peu près sûr. Mais je les ai vus. Et même moi qui suis pourtant une Snyder Bitch, c'est super compliqué, Rebel Moon. Hein. Enfin, il y a des trucs à sauver, mais c'est long. Non, et donc toi, globalement, 3615 Code Père Noël, qu'est-ce que tu en penses? Mais pour moi, c'est un bon home invasion, franchement. Le gamin, on peut le trouver insupportable. Moi, ça va, en soi. Je le déteste pas. Par contre, alerte personne sensible, il y a un chien qui meurt. Oui, et en plus un chien qui est adorable. Voilà, donc, pas touche au Et c'est moi qui dogo. suis Team Chat qui dis ça. Hein. Pas touche au dogo, ça c'est très important. Mais ouais, bon, home invasion efficace, avec bah, une vibe certes datée, et une photographie qui l'est tout autant. Ouais, la photo elle est pas belle. Hein. Mais je trouve que ça passe, et alors, de motivation quand même très floue de ce Père Noël, parce que du coup le mec va se déguiser en Père Noël pour home invader Thomas et son grand-père. Grand-père aveugle, enfin Ouais, globalement ouais passif en moitié fait. aveugle et diabétique et qui doit prendre ses piqûres d'insuline. Il y a tout un enjeu sur ça, sur la fin. Mais globalement, tu comprends pas du coup si son but. Alors, on a dit qu'on se parlait du coup, mais si son but c'est juste de jouer à cache-cache avec Thomas, parce que littéralement à la fin il l'attrape et il lui dit: Je t'ai trouvé, maintenant c'est à toi, compte jusqu'à 20. Pourquoi il tue le chien? Pourquoi il s'en prend au grand-père? C'est la partie de cache-cache la plus hardcore de tous les temps. C'est ça, mais surtout, genre, il l'a trouvé quoi, c'est pas juste cache-cache, ça s'arrête quand tu trouves, pas quand tu attrapes la personne dans tes bras. Bref. Mais oui, et ouais. Si on veut aller sur la. Si on veut poursuivre le côté complotiste de Francis Lalanne, bah, le gamin, vu qu'il a jamais vu le Père Noël, il commence à douter de son existence, et il commence aussi à douter de l'existence de Napoléon et de Vercingétorix. Bah, c'est ça, c'est finalement quelque part on est sur la thèse complotiste. Hein. C'est ça. Et je pense que par contre, je sais pas qui a écrit le film, si c'est Manzor ou pas, Il me semble que c'est Manzor. il aime son fils Manzor C'est Manzor, je viens de vérifier. parce que du coup, le gosse a 9 ans, il répare des jeux vidéo, des voitures, il sait conduire, il code des logiciels, il gère un système de vidéosurveillance chez lui, il invente des pièges dans sa maison. On est en 89, hein, je vous rappelle, il n'y a pas de tuto sur Ouais, YouTube à l'époque. Macaulay Culkin à côté, c'est rien du tout. Le gars, c'est le MacGyver du Home Invasion. Mais non, mais il fait passer MacGyver pour sa petite pute, Non, surtout, c'est John Kramer, le gosse. pour le coup, il y a un élément dans le film qui m'interloque, on va dire, à chaque fois que je le vois, c'est que c'est quand même un film qui est hyper étrange dans sa tonalité. C'est un film qui est beaucoup trop violent pour être un film pour enfants. Mais c'est un film qui n'est pas assez. Rentre dedans et premier degré pour être un film entre guillemets pour adultes. Mais là, c'est une tonalité que je trouve assez étrange, alors qui participe à son charme, d'autant que le film s'inscrit dans une. Enfin, le cinéma fantastique en France, oui, alors on avait fait un épisode dessus, on vous renvoie vers celui-ci. Mais ça a toujours été une histoire amour-haine assez compliquée, et on sait que les années 90, bon, en termes de films d'horreur, les années 90, c'est loin d'être le Jardin d'Éden. Mais que. les tentatives vont être assez peu concluantes jusqu'au sinistre début des années 2000 où il y a les French Frayeurs, ça c'est chouette, mais il y a aussi toute la vague Brocéliande, Promenade dans les bois, Pharmacien de garde. Oh, celui-là il est magnifique. Même Maléfique, je sais qu'il a ses fans, moi je suis vraiment pas très très fan de Maléfique. Et pour une proposition un peu chouette comme les Rivières Pourpres, t'en avais des, mais vraiment des merdes derrière. Vidocq. Et j'ai l'impression que quelque part, 3615 pourrait être un aîné de ces films-là, de cette vague-là. Alors, ça reste, je trouve, pas forcément grand-chose. C'est un Maman, j'ai raté l'avion version bourrine, d'autant plus que si je ne dis pas de bêtises, ça a plus ou moins été avoué à demi-mot que c'était effectivement ça. Je crois que le 3615 se passe à Cannes, si j'ai pas de conneries. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il me semble. Soit John Hughes, John Hughes le repère. C'est ça. Et John Hughes, qui est donc producteur et co-scénariste, il me semble, ouais. De Maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'est ça, qui est co-scénariste dessus. Mais c'est. Non, c'est un film que j'aime plutôt bien. J'ai pas forcément. En fait, c'est pas forcément un de mes classiques de Noël, comme peut l'être, je sais pas, par exemple, Krampus. Mais c'est quelque chose que je trouve plutôt sympathique, d'autant plus que c'est une proposition qui détonne et qui est tellement étrange dans la façon qu'elle va avoir de traiter cette espèce de conte de Noël bourrin. Que c'est, moi, par nature, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre et quelque chose que j'ai envie de retenir. D'autant plus que, de ce que j'ai trouvé, ça, à sa sortie, ça n'avait pas vraiment été reconnu. À sa juste valeur, le côté trop violent pour les enfants, trop simplet, trop conte de Noël, vraiment pour les adultes. Donc, où est-ce que ça se place? Et ça a vraiment été réhabilité et remis en avant plus récemment, notamment grâce à leur sortie en Blu-ray du Chat qui fume. Donc, personnellement, bah, c'est pas un de mes classiques, mais quelque chose que j'apprécie malgré tout. Et alors, on parlait du Chat qui fume, l'édition est évidemment plus disponible depuis très longtemps, si vous trouvez des revendeurs, c'est hors de prix. Par contre, Vinegar Syndrome, on a édité un 4K, avec du coup le Blu-ray. D'autant plus, alors pour le coup, le titre anglais, ce n'est plus 3615 Père Noël, c'est Dial Code Père Noël. C'est Deadly Games, Dial Code Santa Claus. Dial Code Santa Claus, voilà, merci. Ou Game Over aussi, je viendrai des Game Over aussi possible. Okay. Donc voilà, sympa, mais en fait, ce qui est paradoxal, et je pense qu'il souffre de la comparaison, c'est que je préférerais toujours plus Maman, j'ai raté l'avion, même si la comparaison peut paraître un peu bête, mais je pense qu'elle est évidente face à ce film-là. Je préférerais toujours plus Maman, j'ai raté l'avion et sa suite que 3615. Non pas que je déteste 3615 du tout, mais vraiment, Maman, j'ai raté l'avion, c'est des films que j'aime beaucoup, mais parce que je pense que je préfère l'esprit bon enfant, un peu insolent, mais finalement vraiment. Très John Hughes, finalement. Ouais, c'est ça. Je préfère l'esprit de John Hughes à Maman Gérard. Enfin, oh mon dieu. À 3615, qui a un côté un peu plus bric et broc. Je trouve d'autant plus que tu en as parlé, moi, je trouve l'enfant de 3615 vraiment pas cool. Vraiment pas cool, parce que. Enfin, je sais pas. À nouveau, je sais que c'est très bête de critiquer par une comparaison, mais à nouveau, les deux sont vraiment tellement, tellement évidents. D'un côté, j'ai Macaulay Culkin, gamin certes un peu insolent, mais qui malgré tout, je trouve, a un vrai charme et une vraie impertinence que j'apprécie. Là où celui-là, le petit Thomas de 3615, bah, pour moi, c'est vraiment juste un petit con. En fait, c'est-à-dire, il me rappelle les suites de Maman, j'ai raté l'avion 2. Et je parle vraiment du 3, 4, 5. Le 3 encore, ça va. Oh, franchement, t'es généreux. Hein. Franchement, t'es généreux. Je pense que je préfère le 5. Le 3, il se passe rien. Il se passe rien. Ouais, après, on parle beaucoup de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, c'est pas. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas. Le cœur du film, c'est pas les pièges tendus au braqueur, ça c'est le. Non, c'est toute la fin. C'est le dernier quart, ça seulement. Mais il y a tout ce qui se passe avant, qui pour le coup n'a rien à voir. Et ce serait. Enfin, oui, il y a de l'inspiration pour la fin, ça c'est sûr et certain, je pense, mais. Maman, j'ai raté l'avion n'est pas un plagiat de 3615. Non, pas un plagiat, mais j'y vois quand même des éléments de remake assez évidents, personnellement. Juste sur le dernier quart. Comme, bah, même en général, je trouve le côté un peu jeu du chat et de la souris qui s'avoue à moitié. Moi, pour moi, ça me chatouille quand même un peu. Mais, enfin, après, je le vois comme un remake, comme, je sais pas, Profession Profiler serait un remake de And They Were None de Agatha Christie, typiquement. C'est que, certes, les actes vraiment remake ne sont que certains éléments du film. Mais la trame globale n'est plus qu'une espèce de réinspiration plus ou moins bien digérée et recrachée. Ok. On a terminé sur 3615. On a terminé.